Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Charles Chiniki, l'apôtre de la tempérance. Dans mon enfance, j'avais entendu parler de ce personnage-là comme d'une sorte de légende. C'est que Chiniki était un tribun d'une puissance vraiment extraordinaire. Les gens précisément se précipitaient chez les marchands de boissons puis brisaient tout. Alors Chiniki, dans le mental collectif, c'est un personnage vraiment terrible. L'historien Marcel Trudel à l'émission « Il fait toujours beau quelque part » en 1987, c'est dans le contexte bien particulier du milieu du 19e siècle que Charles Chiniki va mener son combat de la tempérance et, bien plus qu'anecdotique, les résultats qu'il va obtenir au cours de sa grande croisade contre la consommation d'alcool sont absolument spectaculaires. Fermons les bars, les tavernes, les cabarets. Fermons les cafés et les bineries. Renvoyons chez lui le vendeur, le brasseur, le distributeur. Renvoyons chez eux le whisky anglais, le vin français, la bière américaine. Rentrons dans nos maisons avec le manuel de la tempérance pour en faire des lectures à haute voix. Accrochons au mur ma croix de la tempérance et désaltérons-nous de l'eau de nos lacs et rivières, de l'eau fraîche et courante, de l'eau vive. Extrait de la pièce Chiniki, une pièce écrite pour la radio par l'auteur Jean Guy, pièce diffusée au Théâtre du Lundi en 1988. Pour nous présenter ce très singulier personnage qu'a été Charles Chiniki, je reçois l'historienne Catherine Ferland. Catherine Ferland, bonjour. Bonjour. Charles Chiniki, c'est vraiment un sacré personnage, brillant orateur, on l'a entendu dans l'extrait de départ, mais d'abord et avant tout, vraiment, un personnage haut en couleur. Parlez-moi de ce personnage-là. Comment décrire Charles Chiniki? Charles Chiniki, en fait, rien ne le destinait à devenir spécialement la star qu'il va devenir autour du mouvement de tempérance. Hein, c'est un petit garçon qui naît à Kamouraska au début du 19e siècle, en 1809. Il étudie au séminaire de Nicolet, mais tout de suite, on remarque son talent pour l'art oratoire, on remarque sa piété, son opportunisme aussi. Il a le talent de détecter de quel côté se placer pour obtenir des avantages. Il va prendre la soutane en 1829 et 4 ans après, il est ordonné prêtre. Mais c'est vraiment au tournant des années 1840, que là, il s'affirme comme le champion de la tempérance. Mais à travers tout ça, on va se rendre compte qu'il y a une vie personnelle absolument chaotique. Il n'est pas capable de respecter son vœu de chasteté. Ouais. On va en reparler tantôt. Et il y a des affaires de mœurs, des déboires avec la hiérarchie de l'Église. Bref, c'est une vie pleine de rebondissements. Ouais, donc, s'il ne succombe pas au péché de l'alcool, de la boisson, il succombe à d'autres types de péchés. C'est un homme faible sur certains points. On va dire ça comme ça. Mais vraiment, quelqu'un de très, très coloré. Puis une vedette, on va y revenir, mais on l'a entendu là, dans ce petit extrait, dans cette pièce, mais quelqu'un qui a un impact énorme sur les foules auxquelles il s'adresse. Son grand combat de Charles Chiniki, c'est celui de la tempérance, l'abstinence à l'alcool. Il faut dire que ce combat-là, Catherine Ferland, on est au milieu du 19e siècle, c'est un combat qui est assez généralisé. Dans quel contexte apparaît cette croisade contre l'alcool? C'est une croisade qui a sa place. Hein, ça, c'est important de le comprendre. Chiniki ne se bat pas contre des moulins à vent. Il se bat contre un problème social qui est tout à fait existant et flagrant là, sous les yeux de tout le monde. C'est un problème parce qu'avec l'industrialisation, l'arrivée de grandes quantités d'alcool à faible coût, c'est le début des problèmes. Les gens peuvent se procurer de l'alcool pour un prix dérisoire. On va se rendre compte que, surtout dans les milieux ouvriers, les milieux industriels où il y a vraiment une mise à sociale qui s'installe, l'alcool et l'alcoolisme vont devenir des problèmes importants au au sein de ces populations-là. C'est un vrai problème de santé publique. Absolument. Chez nous, mais un peu partout en Occident, en fait. Un peu partout en Occident, dans tout ce qui subit, on va dire, les conséquences d'une industrialisation rapide, alors que ça soit en Amérique du Nord, que ça soit en Europe, qu'on pense à l'assommoir d'Émile Zola, hein, quand Zola décrit les conditions de misère des ouvriers français, c'est tout à fait la même misère qu'on va observer, que ça soit à Philadelphie, à Montréal. C'est vraiment ce pattern-là de consommation abusive qui va s'installer dans les classes ouvrières très pauvres un peu partout. Avec tout ce que ça veut dire de violence conjugale, de misère humaine, c'est ça qu'on veut combattre. Oui. L'Église décide à ce moment-là de vraiment mettre l'épaule à la roue, va faire un effort considérable. Charles Chiniki sera une des grandes figures au Québec, mais il y en a partout. Là. Ça commence pas ici, ça commence en Irlande, ce combat de la tempérance. Pourquoi? Parce que au fond, l'Église de tout temps, à l'époque, on parlait d'ivrognerie, condamne l'ivrognerie, mais là, on passe à une vitesse supérieure. Qu'est-ce qui fait que l'Église, à un moment donné, décide de faire de ce combat-là quelque chose d'organisé? Bien, en fait, la prévalence et la présence d'alcool partout fait en sorte que l'Église perd un petit peu son contrôle des âmes. On pourrait dire comme ça, la présence de buvettes et d'auberges un petit peu partout. En 1836, par exemple, à Montréal, on a quelque chose comme 314 auberges, 500 débits clandestins. À Québec, il y en a 210, 215, 50 uniquement sur la rue Champlain. Donc, ce sont des débits qui entretiennent le problème et c'est, entre autres, envers les producteurs et les distributeurs d'alcool que l'Église va s'attaquer en premier parce qu'on veut vraiment essayer de reprendre le contrôle sur les ouailles qu'on estime un peu en danger là, face à cet alcool-là qui s'immisce un petit peu partout dans les strates sociales. Donc, l'Église va prendre les choses en main. C'est un leadership qu'on va observer tout d'abord du côté protestant et également catholique. Du côté de l'Irlande. En fait, dans le monde anglo-saxon en général, on va être un peu les premiers à réagir, à se structurer, à développer des mouvements pour essayer d'enrayer cet alcoolisme galopant qu'on observe un petit peu partout. Et progressivement, ça va arriver jusqu'au Québec. Et avec l'arrivée de personnages comme, par exemple, le Monseigneur de Forbin-Janson, Charles-Auguste Marie-Joseph de Forbin-Janson, qui arrive ici et qui va, contribuer à cet éveil religieux canadien-français avec les premières croisades. Et dont va s'inspirer notre ami Charles Chiniki, parce que vraiment, Monseigneur de Forbin-Janson est aussi un brillant orateur. Il est donc quelques années en Amérique. C'est un évêque français qui va passer quelques années en Amérique, aux États-Unis, chez nous plus tard, et qui va devenir cette première grande figure de la tempérance. On écoute l'historien Nive Voisine nous le présenter à l'émission Le matin de la fête en 1978. Son passage, si vous voulez, pas seulement son arrivée, mais son passage, ça a été un événement. Il y a surtout, je dirais, un style nouveau qui est apporté là. Bon, on commence par des cantiques, et justement des cantiques qui doivent dire un peu quelque chose. Et surtout, il y a des sermons que je peux appeler percutants. Il va s'attaquer à ce qui était un vice vraiment très répandu, l'intempérance. Alors, il va parler de tempérance. C'est un mouvement, d'ailleurs, qui était un peu commencé. Mais là, à Notre-Dame de Québec et ailleurs, où il va passer, là, il va vraiment donner un joli coup de pouce. Et justement, la Société de tempérance de Québec, elle va tellement être populaire que dans les premières années, il y a trop de monde. On ne peut même pas inviter les dames, tellement les hommes sont fervents. Il a vraiment une puissance, un charisme qui fait quand même qu'on le suit. Donc, parlez-nous un peu plus, Catherine Ferland, de ce personnage, Monseigneur de Forbin-Janson. Qui est-il et quel rôle il va jouer dans cette histoire de la tempérance chez nous? Forbin-Janson, il est issu d'une grande famille noble de Provence. C'est un exilé, on va dire, un peu politique parce que c'est un royaliste convaincu, un légitimiste. Alors, il va fuir la France bonapartiste. Il trouve refuge ici, au Québec. Donc, puisqu'il parle français, c'est plus facile pour lui. Et il va se mettre dans au travail. Il va s'atteler à une série de tournées de missions, de prédications intenses, de pastorales, de la tempérance. Il va prêcher dans une soixantaine de localités du Bas-Canada jusqu'au début de l'année 1840. Et c'est vraiment le premier apôtre de la tempérance qu'on va avoir ici. Et il a le sens du spectacle. Hein? Il saisit très bien toutes les petites techniques là, qu'on peut avoir pour essayer d'aller chercher l'exaltation des foules. Et on peut dire que son apothéose pastorale, c'est en octobre 1841, quand il va bénir une croix gigantesque fresques sur le mont Saint-Hilaire, donc une croix d'à peu près 100 pieds, là, 30 mètres. À la base, il y a une chapelle et tout ça. Et c'est inauguré et béni avec une foule de 25 000 personnes. Il faut le faire. Là. C'est vraiment c'est une rockstar, lui, à sa façon. Et ces coups d'éclat, il les enchaîne l'un après l'autre parce que vous parlez d'octobre 1841. Juste un peu avant, le 7 septembre 1841, il se rend, Monseigneur de Forbin-Janson, à la cérémonie d'installation d'une croix de la tempérance à Beauport, cette fois-là, en présence de Charles Chiniqui. 10 000 personnes qui sont présentes sur place. Et ça, pour Charles Chiniqui, c'est un premier, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est un grand fait d'armes. Ce qui nous amène à parler de lui, à revenir au parcours de Chiniqui, pour lui, ça se passe. Quand et dans quel contexte il commence, Charles Chiniqui, cette aventure de la tempérance? En fait, c'est assez rapidement dans son ministère que Chiniqui va se positionner contre ce qu'on appelle l'intempérance, donc l'abus d'alcool. Dès qu'il est curé de Beauport, à partir de 1838, il va fonder une première société de tempérance. Il va regrouper autour de lui des paroissiens, va les convaincre progressivement. Donc, la première société est officiellement inaugurée en 1840. 1300 paroissiens qui s'engagent à s'enrôler là, pour à s'abstenir de boissons, s'abstenir de fréquenter les cabarets qui sont considérés comme des lieux de perdition. Puis, on prête presque serment. Il y a vraiment un engagement formel. Tout à fait. Et il y a une carte d'adhésion à signer, du moment qu'on sache signer, bien sûr. On peut afficher la fameuse croix noire sur le mur de la cuisine pour se rappeler de cet engagement-là qu'on prend. Donc, c'est vraiment tout un mouvement qui va mettre en place et qui va culminer là, avec l'installation de la fameuse croix en 1841 à Beauport, qui est sa cure. Mais en 1842, il y a quand même un petit problème qui se présente. Chiniqui doit quitter Beauport parce que, il est convaincu de conduite immorale. Il aurait un peu poursuivi de ses faveurs la ménagère du presbytère. Alors, on l'envoie se refroidir les idées à Kamouraska. Donc, il se refroidit les idées, mais son combat contre la tempérance continue de l'habiter, ce qui fait qu'en 1844, autre coup d'éclat, Charles Chiniqui publie son manuel ou règlement de la Société de tempérance. Et ça, Catherine Ferland, d'abord, c'est un livre qui va avoir un impact considérable. C'est important dans cette croisade contre l'alcool. Et c'est un succès. Absolument. Un succès, on pourrait dire, de librairie. Oui. Parce que c'est un ouvrage qui est tiré à 4000 exemplaires. Un petit livre de 150 pages, quand même, qui est vraiment un manuel. Hein. On a une sorte de mode d'emploi, finalement, de ce que devrait être une personne tempérante, active dans sa société et prosélyte. Hein, parce qu'il y a toute cette dimension de si vous êtes une personne tempérante, vous devez le plus possible communiquer autour de vous et essayer de convaincre de nouvelles personnes. Donc, c'est un livre qui connaît un bon tirage, qui est réédité ensuite en 1847. Et qui se vend à quoi, des milliers d'exemplaires déjà pour l'époque? Oui, c'est énorme. Et on vise vraiment la jeunesse, on vise les jeunes hommes, parce que sans négliger les personnes qui sont déjà, esclaves des boissons fortes, Chiniqui va s'adresser à la jeunesse. Il dit à cette jeunesse dont les lèvres n'ont pas encore été souillées par la boisson, parce qu'il veut éviter que, justement, ce démon de l'intempérance s'établisse dans les jeunes générations. Et dans ce livre-là, il va vraiment enseigner une formule en 6 points de la société de tempérance, évidemment très, très articulée autour de la religion catholique, de suivre l'exemple du Christ. Il y a beaucoup d'exemples de cas édifiants. On prend le temps de raconter des histoires de gens qui se sont perdus sur les chemins odieux de l'alcoolisme et qui reviennent vers le Seigneur. Donc, il y a vraiment cette construction-là de ce que devrait être une bonne tempérance. Et comme je disais, il y a vraiment l'idée aussi de former de nouveaux apôtres de tempérance qui, dans leur propre milieu, vont contribuer à recruter de nouveaux adeptes là, pour ce mouvement-là. Donc, petit catéchisme de la absolument. Tempérance, publié en 1844. Et puis en 1848 arrive vraiment cet âge d'or de Charles Chiniqui. Là, il part en tournée, littéralement, à la demande de Mgr Bourget. Donc, pendant quelques années, il fait une succession de... Il visite paroisse après paroisse après paroisse avec une popularité complètement incroyable. On écoute l'anthropologue Serge Bouchard décrire justement cet âge d'or pour Charles Chiniqui à l'émission de Remarquables oubliés en 2011. L'année 1848 sera une grande année de croisade pour Chiniqui. Il multiplie les apparitions publiques sur tout le vaste territoire du diocèse de Montréal. Il est aussi populaire qu'un artiste. C'est la grande vedette de son temps. Pendant 3 ans, il atteindra le sommet de son succès en tant qu'apôtre spectaculaire de la tempérance. Ses visites sont attendues. On accourt pour voir le phénomène à l'œuvre. C'est un saint, c'est un homme dont la parole est en or. Chiniqui devait bien être heureux de la situation. À 40 ans, il était adulé des foules, Consulté par le gouvernement à propos des lois régissant la consommation d'alcool, il avait rédigé le manuel de la tempérance qui se vendait comme des petits pains chauds. Le peintre Théophile Hamel avait fait son portrait, un beau tableau à l'huile représentant Chiniki avec son gros crucifix en or. Il avait reçu une médaille en or, témoignage ultime de la reconnaissance de la part de ses concitoyens. Bref, Chiniki était transporté par une vague et ses résultats pour combattre l'alcoolisme dans les paroisses furent réels. Les Mélanges religieux, organe officiel de l'évêché, publiaient régulièrement des statistiques démontrant de façon spectaculaire combien les passages de Chiniki dans les paroisses entraînaient des adhésions massives aux sociétés de tempérance. Parlez-nous, Catherine Ferland, de cette tournée qu'il amorce en 1848 dont parlait Serge Bouchard. Le pic, c'est peut-être 1850-1851. Et puis Serge Bouchard en parle aussi des résultats spectaculaires que ça va donner. Oui, parce que ces croisades-là s'inscrivent dans un mouvement aussi de... Bon, on est après le rapport de Ram, hein, on est dans un mouvement où il y a un renouveau de la religion auprès des Canadiens français. Un renouveau qui va s'exprimer de toutes les façons. On recherche la culture un peu partout. On essaie de se structurer. On se cherche finalement une identité. Et quand Charles Chiniki... En réponse à de Ram qui nous avait dit « Vous n'en avez pas ». C'est un peu ça. Exactement. Ouais. Et quand Charles Chiniki arrive avec des arguments très convaincants pour dire « Voyez, ces alcools souvent étrangers qui nuisent, qui sont des poisons pour ce qu'on appelle la race canadienne-française, dans tout le style grandiloquent qui est celui du 19e siècle, il frappe à une bonne porte. Oui. Les gens sont réceptifs à son discours, ce qui fait que effectivement, comme on entendait dans l'extrait, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont signer leur carte d'adhésion, qui vont suivre cet apôtre-là de la tempérance et qui vont assister à ses sermons. Des sermons, on peut s'imaginer, c'est un peu difficile aujourd'hui d'imaginer une foule lénifiée à ce point-là par un discours religieux qui prône l'abstinence, mais les femmes s'évanouissaient en l'entendant. C'était une rockstar, c'était un Paul McCartney, je ne sais pas, mais c'était vraiment quelqu'un qui savait tirer parti là, de toutes les ressources scéniques, des fois des effets sonores également, qui accompagnaient quand il décrivait les visions d'enfer qui conduiraient la bouteille. Il y avait toute cette scénographie autour de ces interventions qui jouait aussi en sa faveur. Donc, effectivement, ça a été une tournée de prédication de Chiniki qui a connu un succès incroyable. Vers 1850, on dit qu'il y a à peu près 400 000 tempérants sur une population d'environ 900 000 catholiques. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Un succès considérable, ça tient à un charisme qu'il avait. Bon, orateur, charismatique, c'est ça au fond, absolument. Le succès. Absolument. Ouais. Et de la même manière qu'il serait difficile d'expliquer ce qui fait la magie d'un charisme aujourd'hui, pourquoi telle ou telle personne, on la suivrait n'importe où pour l'entendre, ben c'est un petit peu cette magie-là qui opère dans le cas de Charles Chiniki. Ouais, ça, c'est le côté brillant de l'homme, la face brillante de la médaille. On a parlé d'une incartade qu'il avait eue. En fait, il y en aura plusieurs. Plusieurs. Il y en aura plusieurs au cours. Il va changer de paroisse parce que succombe au péché de la chair. Et en 1851, on rentre dans le côté plus sombre, mais c'est quelqu'un qui n'est pas facile et qui va en payer le prix. Il doit partir aux États-Unis à ce moment-là. Pourquoi? En fait, c'est qu'il fait des déclarations politiques qui vont embarrasser un petit peu son évêque, qui vont embarrasser Mgr Bourget. On finit par l'envoyer dans l'Illinois. Et encore là, il va avoir des démêlés avec l'évêque de Chicago, l'évêque qui essaie de le cadrer, finalement. Et c'est une personne qui n'est absolument pas capable de supporter la hiérarchie, même si c'est celle de l'Église. Le vœu d'obéissance, de toute évidence, Charles Chiniki n'est pas capable de s'y souscrire. Donc, il va être excommunié, ni plus ni moins, le 3 septembre 1856, parce que l'évêque de Chicago, excédé par les incartades, Chiniki, qui n'est pas content, qui publie dans la presse, qui dénonce toutes sortes d'affaires, là, à un moment donné, il dit « c'est assez ». On l'excommunie. Qui critique l'Église. Mais oui. Il la critique de l'intérieur. Il essaie de regrouper autour de lui une petite communauté à Sainte-Anne. Les gens vont le suivre, vont être prêts même à laisser tomber l'Église catholique pour le suivre. Et ça, c'est pas rien, là. Donc, il y a vraiment ces démêlés-là qui vont être très, très énormes pour l'époque, qui vont faire scandale aussi. Et il finit par se convertir au protestantisme. Je dirais, il a encore cet opportunisme-là. Il va magasiner un petit peu la congrégation de son choix et finit par... devenir ministre de l'Église presbytérienne en 1860. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui... bon, ça ne fonctionne pas avec le catholique, OK, ouais. on va ailleurs. Et c'est comme ça qu'il va être invité à participer au 300e anniversaire de la Réforme. Il va aller en Grande-Bretagne, en France, en Suisse. Il revient auréolé de prestige. Donc, il est vraiment allé chercher du côté presbytérien ce qu'il avait perdu du côté catholique. Ouais. Et puis, il va ben, donc, pendant des années, tourner un peu partout dans le monde. Puis, il meurt finalement à Montréal en 1899. Oui, exactement. Donc, il s'était marié entre-temps. Il a eu 3 enfants. Il revient à Montréal en 1875 et quelques années plus tard, comme ça, il va décéder. Mais avant, il a eu le temps de rédiger ses mémoires, une espèce de brûlot anticatholique, là, 50 ans dans l'Église de Rome. C'est publié à Montréal en 1885 en français, puis en anglais quelques années plus tard, ça va être traduit. Donc là-dedans, il dénonce, il est vraiment en colère, il règle ses comptes. C'est assez divertissant à lire, je vous assure. Est-ce qu'il écrit aussi bien qu'il cause bien? Oui, on voit que c'est quelqu'un qui maîtrise la rhétorique, qui maîtrise la manière d'argumenter, d'amener des arguments forts et de marquer le coup. Oui. Parlons, pour terminer cette émission, d'un autre mouvement de tempérance, parce qu'on a bien vu ce qu'avait fait Charles Chéniquy, entre autres, dans ce premier mouvement de tempérance au milieu du 19e siècle. Ça va recommencer. Il y avait comme une petite pause, puis ça recommence autour des années 1870, second souffle, donc. Parlez-nous de cette deuxième vague de tempérance à la fin du 19e, puis même qui va s'étendre jusqu'au début du 20e siècle. Oui. En fait, c'est que, oui, il y a une seconde vague qui va s'installer. Le gouvernement fédéral va promulguer une interdiction de l'alcool parce que, de toute évidence, la dimension qui repose sur la volonté individuelle de dire « oui, je deviens tempérant », ça ne fonctionne pas. Donc, on sent la volonté de légiférer et face à ça, il y a quand même une sainte mission qui va s'organiser du côté catholique, du côté protestant aussi, de rénovation des mœurs. Hein? À ce moment-là, on va s'attaquer à tout. On va s'attaquer aussi cinéma naissant aussi. On va s'attaquer à tout ce qui peut détourner le bon chrétien de ses devoirs envers Dieu et, entre autres, de l'alcool. C'est ce qui fait aussi qu'on va voir apparaître des nouveaux apôtres de la tempérance, entre autres l'ordre des franciscains, ah bon? Qui va vraiment se démarquer là, dans cette lutte-là, à travers le père Hugolin Lemay, entre autres. Les franciscains vont fonder la revue La Tempérance en 1908 et c'est dans cette revue-là qu'ils vont véhiculer toute une idéologie qui reprend beaucoup les grandes lignes là, de ce qu'avait établi Charles Chéniquy plusieurs décennies auparavant. On y va avec le symbole comme le berger qui guide vers la sobriété, la croix rayonnante, l'idée de victoire... On va même accentuer la dimension croisade. Là. C'est très, très religieux. C'est presque militaro-religieux contre la boisson qui est vue vraiment comme l'ennemi à abattre. Puis ça va donner, je le signale, parce que les plus vieux vont s'en souvenir, les lacordaires. Ça fait partie de l'imaginaire collectif. Mais ça s'inscrit dans cette deuxième vague-là. Oui, tout à fait. Cette fois-là, ce ne sont pas les franciscains, c'est du côté des dominicains. Le père Joseph-Amédée Jacquemet qui fonde en 1911 le cercle lacordaire pour les hommes et les cercles Sainte-Jeanne d'Arc pour les femmes. Donc, encore là, c'est l'idée d'implanter des confréries. On se dit, si les gens n'ont plus le recours d'aller au cabaret pour sociabiliser, il faut quand même leur proposer quelque chose et pas seulement des prières. Donc, des confréries, un réseau associatif, finalement, qui se met en place autour de l'idée de tempérance. Catherine Ferland, historienne habituée de l'émission, merci beaucoup. Merci, Catherine. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre nouvelle application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.